je te vois. Ma vie entre tes doigts. Hey, lovely baby, tu es si jolie, où est trop pour m'aimer. Hey, lovely lady, tu mets dans mes nuits le ciel d'été. À personne, tu dis toujours oui. Je prends ce que tu me donnes et l'amour quand tu en as envie. Oh, hey, lovely lady, tu me rends crazy quand je te vois. Oui, que tu m'aimes, je sais que tu mens, mais je te garde quand même, car dans mes nuits, c'est toi que j'attends. Oh, hey, lovely lady, tu me rends crazy, oui, quand je te vois. Tes doigts. Oh, hey, lovely lady, tu me rends crazy. Oui, quand je te